C'est le nuage, je pop, donc y'a plus de rageux. Dans sa chatte, je nage, pas de pointe, on a le même âge. Goutte de sueur sur mon front, après chaque péage, moi c'est H. J'ai plusieurs drogues dans le sachet, puis faut qu'il le sache, de K19, la confiance s'achète. Trahis, on sort la machette, où j'appuie sur la gâchette. Gamin, ton avenir est gâché, ça sert à rien de te cacher. J'lis pour plus être fâché, pendant que toi tu mâches des cachets. Tire dessus, tu vas tousser, autour de moi que des froussas. Roussa, j'en place pour Moussa, Yankee, a les yeux qui brillent. Quand je déballe le mousse, bitch, toi le tien est pâteux. T'en tiens un, mais pas deux, t'as la dex, la kid battle, bitch. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Étant petit, j'ai traîné dans la merco. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux péter la merco. Ici, c'est Lyon, fils de pas sacré, man. T'as fumé le bon baiser d'ego, la vida, on aime trop. Par la copie, de toute façon c'est pas la même co. Agro la guerre, elle veut du ça, mais bon je la connais même pas. Y'a tout ce qu'il faut dans la chapeau du veston. T'inquiète-toi pas, pélo, pélo, tu sais qu'on a la besta. Rien à foutre de ta besta, petit bâtard besta, man. Sinon vas-y baisse ta mère, ils sont pleins de questions. Ne posez plus de questions, je fais confiance qu'à mon destin et aussi à mon bifton. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Lions ont les démarres, vive comme un renard, j'suis dans la précision. Faut ficher les connards, non j'fais pas de rancard, j'veux juste la pète à fond. T'as fiché mes collègues pour avoir le pétard, t'es parti, t'as fini rond. Fils, ma gova, j'te la laisse, si j'en ai une dizaine, une vaca, faut prendre l'avion. Je suis souvent très honnête, je prends pas de pincettes, je le laisse faire attention. Il faut style de me connaître, vérité comme gâchette pour créer la distinction. Elle a switché ta miss, tu bégayes, tu transpires, tu pètes un plomb. J'ai plongé dans mes vices, j'étais mal les coraux dans mon labon. Je porte la même paire de Nike, pour une sport, pour une pipe, même pour Cendrillon. Sac vert, pantalon kaki. Je porte la même paire de Nike, pour une sport, pour une pipe, même pour Cendrillon. Sac vert, pantalon kaki. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Fais pas l'ancien, quand on a même âge. Lions ont les démarres, lions ont la menace, lions ont la menace. Fais pas l'ancien, quand on a le même âge. Ils ont les démarches, ils ont la même.